Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 7, du samedi 6 octobre 1883. Page 1, colonne 5. Compton. Dimanche dernier, M. l'abbé Choquette a dit sa première messe comme curé. Un prêtre de Montréal va doter l'église de ce village d'un superbe maître-autel.